Premier livre de Samuel, chapitre 12. Alors Samuel dit à tout Israël, « Voici, j'ai obéi à votre parole en tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marche devant vous, car pour moi je suis vieux, et tout blanc de vieillesse, et voici, mes fils aussi sont avec vous, et pour moi j'ai marché devant vous, depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici, répondez-moi, devant l'Éternel, et devant son loin. De qui ai-je pris le bœuf, et de qui ai-je pris l'aine, et à qui ai-je fait tort, qui ai-je foulé, et de la main de qui ai-je pris des récompenses, afin d'user de connivence à son égard, et je vous en ferai restitution ? » Et ils répondirent, « Tu ne nous as point opprimés, et tu ne nous as point foulés, et tu n'as rien pris de personne. » Il leur dit encore, « L'Éternel est témoin contre vous, son loin aussi est témoin aujourd'hui, que vous n'avez trouvé aucune chose entre mes mains. » Et ils répondirent, « Il en est témoin. » Alors Samuel dit au peuple, « L'Éternel est celui qui a fait Moïse et Aaron, et qui a fait monter vos pères hors du pays d'Égypte. Maintenant donc présentez-vous ici, et j'entrerai en procès contre vous devant l'Éternel, pour tous les bienfaits de l'Éternel, qu'il a fait avouer à vos pères. » Après que Jacob fut entré en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya à Moïse, et à Aaron qui tirèrent vos pères hors d'Égypte, et qui les ont fait habiter en ce lieu-ci. Mais ils oublièrent l'Éternel leur Dieu, et il les livra entre les mains de Sisera, chef de l'armée d'Atsor, et entre les mains des Philistins, et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Après ils crièrent à l'Éternel, et dirent, « Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baalins, et Astaroth. Maintenant donc délivre-nous des mains de nos ennemis, et nous te servirons. » Et l'Éternel a envoyé Jérubal, et Bedan, et Jephté, et Samuel, et il vous a délivré de la main de tous vos ennemis d'alentour, et vous avez habité en pleine assurance. Mais quand vous avez vu que un roi des enfants de Ammon venait contre vous, vous m'avez dit, « Non, mais un roi régnera sur nous, quoique l'Éternel votre Dieu fût votre roi. » Maintenant donc voici le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé, et voici l'Éternel l'a établi roi sur vous. Si vous craignez l'Éternel, et que vous le serviez, et obéissiez à sa voix, et que vous ne soyez point rebelle au commandement de l'Éternel, alors et vous, et votre roi qui règne sur vous, vous serez sous la conduite de l'Éternel votre Dieu. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle au commandement de l'Éternel, la main de l'Éternel sera aussi contre vous, comme elle a été contre vos pères. Or maintenant arrêtez-vous, et voyez cette grande chose que l'Éternel va faire devant vos yeux. N'est-ce pas aujourd'hui la moisson des blés? Je crierai à l'Éternel, et il fera tonner et pleuvoir, afin que vous sachiez et que vous voyez, combien le mal que vous avez fait en la présence de l'Éternel est grand, d'avoir demandé un roi pour vous. Alors Samuel cria à l'Éternel, et l'Éternel fit tonner et pleuvoir en ce jour-là, et tout le peuple craignit fort l'Éternel et Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie pour tes serviteurs l'Éternel ton Dieu, afin que nous ne mourions point, car nous avons ajouté ce mal à tous nos autres péchés, d'avoir demandé un roi pour nous. » Alors Samuel dit au peuple, « Ne craignez point, vous avez fait tout ce mal-ci, néanmoins ne vous détournez point d'après l'Éternel, mais servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez donc point, car ce serait vous détourner après des choses de néant, qui ne vous apporteraient aucun profit, et qui ne vous délivreraient point, puisque ce sont des choses de néant. Car l'Éternel pour l'amour de son grand nom, n'abandonnera point son peuple, parce que l'Éternel a voulu vous faire son peuple. Et pour moi, Dieu me garde que je pèche contre l'Éternel, et que je cesse de prier pour vous, mais je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Seulement craignez l'Éternel, et servez-le en vérité, de tout votre cœur, car vous avez vu les choses magnifiques qu'il a faites pour vous. Mais si vous persévérez à mal faire, vous serez consumés vous et votre roi.